bâtiment. Voilà que je te mens pas. Avant c'était la mer. On a trop déçu les remparts. Avant que vienne la tempête. Voilà je vais mettre la tempête. Pendant que les boys ils enquêtent. Y'a plein de choses qui m'embêtent. Y'a que les cons qui s'endettent. Et vous inquiétez pas, je finirai pas comme eux. Je me rappelle de l'époque. Je pouvais te canasser sans me. Y'a que l'argent qui peut faire des heureux. Je la préfère quand t'as fait la désirée. Faut pas que tu tombes amoureuse. Tu risques de plus m'attirer. Envoie la masse, que j'allume la queue. À 47 classes, ça, et je termine à cache. J'aurai toujours les mains sales, trop rester dans la tête. C'est ce que mon cœur veut, elle en veut pas ma tête. J'aime trop ma cité, j'aime trop sa démarche. On voulait prendre la vitesse, on a dû sauter des marches. Elle fout, je te démarre. Pourquoi tu me démarres? Rien qui t'envie quand t'es bien, il faut la fête quand t'es mal. Mais je comprends pas moi. Avec vous, je comptais pas moi. Je vais toujours rester droit, ouais, ouais. En plus, je mettais des droites, ouais, ouais. Mais je comprends pas moi. Avec vous, je comptais pas moi. Je vais toujours rester droit, ouais, ouais. En plus, je mettais des droites, ouais, ouais. Mais pas là. Libérer Torka, ouais, libérer mes reilles. On sort les touches car pour personne nous effraie. T'es pas resté vrai, t'en as payé les frais. Vends l'OPJ, t'as pas nié les faits. Joue pas sur ta mère, t'es analysé. Pourquoi tu tires en l'air, apprends à viser. Tout le quartier est chaud, tout le monde a teasé. Y'a la banalisée. Y'a la banalisée. Fusée. J'me tape avec mon équipe. Sur les Champs-Élysées, sur nous personne n'a misé. C'était la misère. Faut qu'on rattrape toutes ces années. Faut pas qu'il me pète à 6 heures. Mais je comprends pas moi.